Écoutez. Parle-moi donc. Trochetre ka azadarong ye kotre vachkota. Je ne comprends rien. Je suis. Essayez, mon amour. Itafi, yataibo te. Je suis. Vieralla, qui est là. Et très. Longsam, ok, trevande, po et fremande. Essayez, mon amour. Langsam und suchend in einer fremden Sprache. Je suis. Slowly and trying in. Je suis en sentiment pour tout et très grand et abandonné la abdiqué Je suis très grande. Je suis aboyé. Je suis abrité. Un sentiment très grand pour tout. Pour tout. Accablé. Je suis. Accaparé. Accéléré. Oui, pardon. Accepté. Pardon. Je suis un sentiment de qualité pour tout. Très grand mon amour pour toi est très grand le sentiment je suis accroché je suis très grand.